Le grain de sable d'Attaque Québec. Je vais vous accompagner durant cette heure, puisque Valérie Blouin, notre animatrice habituelle, est absente aujourd'hui. Alors rassurez-vous, elle nous rejoindra évidemment la semaine prochaine en grande forme. Alors à mise en onde, ce soir, on a Jeanne Gutiérrez et Fabien Dubuis, notre équipe de choc. Au programme, eh bien, pas mal de belles choses aujourd'hui. On va commencer l'émission avec Claude Vaillancourt, qui est coprésident d'Attaque Québec, mais qui est membre aussi du comité de coordination de l'excellente revue À Bâbord. Alors, il sera avec nous par téléphone depuis Montréal pour nous parler du dernier numéro de la revue, qui est consacré, entre autres, à la question de l'utopie. En deuxième partie d'émission, après, on va discuter de la quinzaine de l'eau, qui s'en vient ici. Ce sera très bientôt à Québec, hein, du 9 au 23 mars, si je ne m'abuse. Et donc, on aura monsieur Charles-Eugène Bergeron de l'organisme Développement et Paix qui va venir un peu nous parler de cette question-là, puis de la question de l'eau en général. Mais avant de commencer, on se quitte d'abord un court instant le temps d'une pièce musicale. Alors, bien, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Humeur dans la vie, je suis la doublure d'un chef d'état un peu raclure. Lorsqu'il s'élance à la poursuite d'un marché qui n'est pas conquis, toujours un bon professionnel, c'est moi qui prends le coup d'opinel. Moi, ma mission, elle est sacrée, nul ne saurait m'en détourner. Si je suis dans ses petits papiers, alors c'est sûr, il va m'aider. C'est lui qui écrit notre histoire, sans jamais rien nous cacher. On est quand même de sacrés vénards. Le chef, il a de grandes idées, il sait ce qui est bien pour nous. Même pas besoin de demander. Il est pour la paix dans le monde, mais le pouvoir lui fout un peu la trique, c'est vrai. Alors, il se recueille un peu dans son abri atomique. Les Africains n'aiment pas la neige, il les ramène en Afrique. Moi, y a des jours où je regrette de ne pas avoir appris l'histoire de nos aïeux, de nos ancêtres. Je dois voir ça quelque part. Je sais pas qui était la grand-mère de Louis XIV ou de Voltaire. Alors dans quel pays on va me jeter, vu que c'est ici que je suis né. Cheval privé, venir secouer nos mains sales et vérifier nos papiers. Il a toujours une pensée pour ceux qui sont déjà noyés et qui du fond de la baignoire n'entendent pas bien son cri d'espoir. Il prend ses ennemis dans ses bras, console même ses victimes en leur disant du bout des lèvres. Ça me fait bizarre, mais je crois que je vous aime. Toute l'étendue de sa bonté en leur donnant le trousseau de clés que la veille il avait remporté. Et comme il vaut mieux diriger avec les testicules un petit peu serrés que de devoir attendre encore la liberté ou la mort. C'était Les Doigts de l'Homme, la doublure. Merci Fabien, alors on est de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. C'est pas la première fois qu'on vous parle de la revue À bâbord. Et pour cause, hein, c'est en plus d'être une excellente revue, alors bon, qui traite de toutes sortes de sujets, principalement sociaux et politiques évidemment, vous pouvez retrouver parmi d'autres contributeurs de très grande qualité, Claude Vaillancourt. Alors Claude Vaillancourt, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le coprésident d'Attaque Québec. Vous avez probablement déjà eu l'occasion de l'entendre ici à l'émission, il est déjà intervenu quelques fois. Mais il est également membre du comité de coordination de cette très bonne revue. Alors Claude est avec nous ce soir depuis Montréal par téléphone. Bonsoir Claude. Oups, on a dû perdre Claude, alors on va rapidement essayer de remédier à ce petit problème technique. On va essayer de l'appeler tout de suite. Donc on va relancer une petite chanson, on vous revient dans 2-3 minutes avec Claude Vaillancourt. Ça marche, c'est arrivé une fois. Papa a rempli son radio glaciaire avec la bière. Maman a fait des petites sandwichs, puis des petites crudités. Au champ, en masse de camions. Oui, alors on est de retour. Avec normalement Claude Vaillancourt. Claude, est-ce que t'es là? Oui, bonjour. Oui, bonsoir Claude. Oui, bon, parfait, on a résolu le petit problème technique. Alors, bon. Claude, comme je disais, tu es donc le coprésident d'Attaque Québec et également membre du comité de coordination de la revue À bâbord. T'es avec nous ce soir pour nous présenter le dernier numéro de la revue qui revient de sortir et dont le dossier principal est consacré à la question des utopies. Oui. Alors, on va en discuter un petit peu. Vous avez ce titre qui est assez intéressant pour introduire le dossier. Vous posez la question, l'utopie a-t-elle un avenir? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à vous poser cette question-là, finalement? Ben, d'abord, c'est parce qu'on a fait, il n'y a pas si longtemps, un numéro sur l'apocalypse. On trouvait que l'apocalypse, ça décrivait un peu l'air du temps, c'est-à-dire on a souvent l'impression que toutes sortes de catastrophes sont à venir. Ça se retrouve beaucoup, aussi bien dans le discours des artistes, que dans le discours aussi de certains militants. Donc on a l'impression que tout s'en va, mais on s'est dit bon, c'est un numéro quand même assez sombre, assez triste, assez noir là. Alors on avait besoin de revenir sur une note d'espoir, quelque chose de plus positif. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à faire un numéro sur l'utopie. L'utopie, c'est quand même des rêves, c'est quand même essayer d'imaginer un monde meilleur, un monde idéal. C'est peut-être pas quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps. Mais pour nous, c'est important de revenir sur cette notion-là. Tout à fait. Mais allons-y, alors on va se plonger là-dedans. On va peut-être commencer par se pencher sur ton article. Tu as écrit un article ici qui débute d'ailleurs le dossier. Oui. Toi, tu t'es intéressé aux utopistes de première génération, quoi, un peu les précurseurs finalement. Oui. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est Thomas More, Voltaire, Jonathan Swift et Rabelais aussi, dans le désordre. Là. OK. Alors, moi, ce qui m'a intéressé de ces gens-là, c'est qu'ils ont été les premiers dans la civilisation occidentale à imaginer ce que ce serait un monde idéal. Pour eux, il n'y avait absolument pas une idée de réaliser ce monde-là. C'est un pur fantasme, un pur rêve. Okay. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est deux choses. D'abord, c'est vraiment un monde où la vie en communauté est extrêmement importante, où la communauté l'emporte sur l'individu. Donc les liens sociaux sont extrêmement importants. Il y a certaines hiérarchies qui sont préservées, mais quand même, donc cette vie-là communautaire est importante. Et aussi, c'est la haine, la détestation, je dirais, de l'argent. Pour eux, l'argent, c'est vraiment la source là, de tous les maux. C'est quelque chose de terrible. C'est ridicule aussi vouloir de l'argent. C'est puéril. Donc, évidemment, lorsqu'on compare ça au monde d'aujourd'hui, là, où l'argent, ça devient une espèce d'obsession, si ces gens-là revenaient aujourd'hui, je pense qu'ils seraient profondément découragés. Oui, effectivement. Hein. Je veux dire que ça paraît lointain, ce qu'ils imaginent. Oui. Et donc, c'est Thomas More qui a inventé le mot même d'utopie, c'est ça? Hein? Oui, oui, tout à fait. Il a inventé une espèce d'île là, qui serait que quelqu'un aurait découvert. Et là, tout à coup, cette personne-là serait débarquée et aurait trouvé cette société qui est vraiment une société modèle. Et d'ailleurs, les autres auteurs dont j'ai parlé ont toujours situer leur utopie dans des lieux éloignés, d'accord, dans des lieux inaccessibles, des îles. Le seul, finalement, qui a imaginé une utopie dans un lieu tout à fait avenant, c'est Rabelais. Lui, c'est une ville abbaye où tout le monde est libre, tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, parce que selon lui, des individus responsables, ben, ça fait exactement ce qu'il faut faire. D'accord. Donc on a vraiment une grosse dimension idéaliste là-dedans, parce qu'on sait que l'utopie, finalement, ça peut avoir un petit peu deux sens. Ça peut avoir le sens d'un monde meilleur, et ça peut aussi avoir un sens d'un monde qui ne peut pas exister. Donc, à l'origine, ils étaient plus dans l'idée un monde très lointain, quoi. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Mais un monde qui devait, pour eux, évidemment, c'est une manière d'élaborer une critique sur le monde contemporain. Mm-hmm. Et moi, ce qui m'a agréablement surpris à relire ces auteurs, c'est de voir à quel point leur critique s'applique mais très, très bien aujourd'hui. Là, d'accord. Ça n'a pas vieilli du tout. Est-ce qu'ils proposent des principes concrets d'organisation? Je veux dire, ils imaginent vraiment la société et disent voilà comment elle fonctionne dans le détail. Est-ce qu'ils décrivent ça? Peut-être le plus précis, c'est Thomas More. Okay. Ouais, lui, c'est assez dans le détail. Les autres, Voltaire et Rabelais, c'est assez rapide. En fait, c'est un chapitre dans une œuvre qui est beaucoup plus globale. Okay. Et Jonathan Swift, lui, c'est assez particulier parce que son utopie, c'est pas des humains, c'est des chevaux. D'accord. Des chevaux qui s'appellent les Yums. Et les humains portent le nom de Yahoo, hein, qui est familier évidemment aux utilisateurs d'Internet. Et les Yahoo, c'est les humains, mais sont tout à fait méprisables, sont ridicules, sont vraiment désespérants. Et le monde des chevaux, ce monde harmonieux, proche de la nature, évidemment, où l'intelligence est là à tout moment. Ok. On a quand même un gros côté subversif là-dedans. Et ce serait quoi alors un petit peu les héritiers, finalement, à l'heure actuelle de ces penseurs-là? En fait, ce qu'on constate, on est vraiment dans une contre-utopie, parce que notre monde individualiste, matérialiste, est tout à fait à l'inverse de ce que ces gens-là avaient imaginé. Je pense que l'échec du marxisme, je pense qu'il faut le dire, là, puis du monde communiste, ça a beaucoup donné, disons, des arguments à ses adversaires d'un monde plus communautaire, plus juste, plus fondé sur le partage. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est des utopies semblables ont une certaine difficulté à redémarrer, à relancer. Mais je pense que c'est important de relancer justement des rêves pareils. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce dossier. En fait, le dossier aborde vraiment la question là, sous les angles, de manière très concrète, oui, parfois, tout à fait. D'une manière aussi plus abstraite. C'est vrai que c'est un dossier qui est vraiment très complet, hein. Il y a vraiment toute une série d'articles qui abordent ça sous tous aspects, donc je le conseille vraiment vivement à nos auditeurs qui auront envie d'en savoir plus sur la question des utopies, vous procurer le dernier numéro d'Ababor. Avant de se pencher sur le reste de la revue, parce que évidemment ça c'est seulement le dossier qui traite de ça, mais il y a aussi toutes sortes d'articles qui traitent d'autres choses, on va d'abord faire une deuxième petite pause musicale et puis on se rejoint tout de suite après pour continuer nos discussions avec Claude Vaillancourt. Alors restez bien avec nous, à tout de suite. Je m'appelle Smith & Wesson, j'enlève les vies à la demande. Je dessoude les Schmitts et les gangs fabriqués à Chicago, trafiqués à Mexico, ouais, où que je sois. Je suis la seule vraie star du ghetto. Oh, oh, essayez-moi, les assassins, les murderers. Avec moi, pas besoin de loi. Quand je shoot, la loi, c'est moi. Oh, dans mes bras, révolution, guérilla. Quand je parle, God bless America. Sensible à la gâchette, car je n'ai pas d'amis. Oh, je hais le monde, mes seuls potes, les missiles et les bombes importés dans un cargo, portés sous le manteau. Je sois, je fais pleurer les femmes et leurs marmots. Essayez-moi, les assassins, les murderers. Avec moi, pas sur moi. Dans mes bras, révolution guérilla. Quand je hurle, on ne répond pas. God bless America. C'était Smith et les Wesson de Pierre-Paul Jacques. Merci Fabien. Alors, mais vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable sur les ondes de CKRL. On est toujours en compagnie de Claude Vaillancourt, coprésident d'Attaque Québec et membre du comité de coordination de l'excellente revue À Bâbord qu'on vous conseille, avec qui on discutait justement du dernier numéro qui vient de sortir et dont le dossier principal est consacré à la question des utopies. Alors c'est un sujet fort intéressant, on en a abordé un petit peu avec Claude, mais je voudrais maintenant me tourner, Claude, vers le reste de la revue, puisqu'il y a évidemment à côté du dossier consacré à l'utopie toute une série d'autres articles, comme d'habitude, hein, qui traitent de l'actualité ou des questions internationales. Etc. Voilà. Et il y a notamment un article que tu as consacré aux mesures d'austérité. Alors je trouvais ça assez intéressant de se pencher là-dessus après avoir parlé d'utopie, parce qu'on est vraiment aux antipodes de l'utopie. Pour rallier paquet. C'est ça, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'imagination derrière les mesures d'austérité qui sont appliquées. Oui. Alors le titre de ton article, c'est « Soigner le mal par le mal ». Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu entends par là? Oui, ben, à mon avis, les mesures d'austérité, c'est comme donner un médicament qui, au lieu de guérir la maladie, l'accentue. Hein. C'est comme si on a, je sais pas, le cancer, puis on donne des produits cancérigènes à la personne qui a le cancer. Hein. Alors, c'est clair que la crise, on sait par quoi elle a été provoquée. Elle a été provoquée par la spéculation et par les déréglementations. Alors, non seulement il n'y a aucune mesure là, concrète vraiment pour ralentir la spéculation, mais il n'y a aucune réglementation réelle qui a été faite pour transformer le monde de la finance. Et au contraire, ce qu'on demande aux gens, c'est de serrer la ceinture, c'est de perdre ce dont on a le plus besoin dans une crise, c'est-à-dire des bons services publics là, qui vont compenser justement pour les grandes pertes financières que tout le monde subit. C'est ça. En fait, finalement, la crise a réussi le tour de force d'être causée par un agenda néolibéral et par ses effets de pousser à l'approfondir encore plus, quoi, finalement. Tout à fait. Et c'est vraiment étonnant parce que dans l'article, je parle du moment où j'étais au Forum social de Belém en 2009. Oui. Et je raconte qu'il y avait une espèce d'effervescence là. Mmh. On se disait, bon, la crise, c'est terrible, c'est quand même triste, mais il y a quelque chose de positif dans cette crise-là, c'est que ça révèle justement les problèmes là, de ce système, du système économique et le nôtre. Et à partir du moment où on met le doigt sur le problème, à ce moment-là, on a la possibilité de l'améliorer. Mmh. Or, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est un petit peu déconcertant. Ce qu'on continue, on continue à proposer des accords de libre-échange qui sont en fait des accords de déréglementation. On demande aux gens de payer finalement pour les abus des banques alors que les banquiers continuent à encaisser des bonis qui sont vraiment gigantesques. Donc, on se demande d'abord qu'est-ce qui a changé, puis deuxièmement, qu'est-ce qui pourra empêcher une prochaine crise. C'est ça. Parce qu'en fait, on se retrouve de nouveau dans la situation où toute l'attention se focalise sur la dette des États, hein, cette espèce d'épouvantail qu'on nous brandit depuis des dizaines d'années, alors que la crise, en fait, est venue d'une dette privée, de la dette. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis la crise est venue beaucoup, je dirais, de cette spéculation complètement folle. Là. Et c'est quand même étonnant de voir à quel point il n'y a vraiment aucune mesure comme ça. C'est comme si, en fait, toutes les mesures qui doivent être prises pour essayer de contrer la dette, en fait, il y a deux choses qui sont sacrées, là, qu'il ne faut pas toucher. C'est la spéculation, donc vraiment pas l'empêcher. Là. Mm-hmm. Et puis ensuite, c'est pas demander aux gens qui sont les plus aisés dans la société de contribuer. Hein. Alors, il y a aucune hausse d'impôts des riches ou que ce soit. Il n'y a aucune façon de contrer l'accès aux paradis fiscaux, par exemple, qu'on a fait. Malgré certaines mesures, là, quand on a fait le G20 à Londres, on avait annoncé, Sarkozy avait même annoncé que les problèmes des paradis fiscaux étaient réglés. Mais si on regarde les politiques canadiennes, par exemple, ça, c'est les politiques parmi tant d'autres, là, c'est pas, le Canada fait pas exception, c'est de faciliter la fuite fiscale par des ententes, par exemple l'entente entre le Canada et Panama, par une entente avec d'autres pays des Caraïbes. Donc, l'évasion fiscale est facilitée. Alors qu'on a besoin de plus d'argent que jamais. Donc, il y a des gens qui contribuent pas, là, c'est ça le problème. Et pendant ce temps-là, l'homme, la femme qui travaille durement, qui paye quand même des impôts assez considérables, n'a pas les services auxquels ces gens-là sont en droit de s'attendre. Oui, c'est particulier. Donc on sait que c'est bon, on parle beaucoup des plans d'austérité en Irlande, on parle beaucoup des plans d'austérité en Grèce, en Europe, etc. C'est probablement les plus spectaculaires, mais tu précises dans l'article qu'on c'est aussi le cas au Québec. Ah ben oui, le dernier budget Charest, c'est tout à fait le cas. Mm-hmm. On lui demande de payer, par exemple, une taxe sur la santé, une taxe qui est égale pour tout le monde. On va demander aux étudiants maintenant de faire leur part. On veut augmenter les frais de scolarité d'une manière quand même assez significative, là, alors que c'était quand même un choix du Québec de tenir ça bas pour faciliter l'accès aux études supérieures. Mm-hmm. Ça, c'est des mesures parmi tant d'autres. Là, on attend avec une certaine inquiétude le prochain budget du Québec, le prochain budget d'achat. Mm-hmm. Et je permets de signaler que parallèlement aussi à mon article, il y a un article de Philippe Hurtault intitulé La stratégie d'accumulation du capital, qui lui va se pencher beaucoup plus sur la question du Québec, alors que le lien, c'est plutôt un portrait international qui observe les conséquences plus larges là, de ces mesures d'austérité. Mm-hmm. Bon, ben donc on invite de nouveau nos auditeurs qui voudraient savoir plus à se procurer le numéro. On va peut-être rester sur cette question-là pour parler aussi d'Attaque, hein, puisque tu es coprésident d'Attaque Québec. Oui. Attaque fait partie de la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics, donc qui s'attaque justement à cette question-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de où ça en est, cette coalition? Quelles sont les prochaines actions à venir? Ben, la prochaine action, c'est une grande manifestation à Montréal qui aura lieu le 12 mars. C'est une manifestation nationale, donc tout le monde est invité. Et donc, je pense que ça va venir pas mal de toutes les régions. La coalition regroupe à peu près 150 associations de toutes les origines, là, des associations communautaires, des syndicats aussi, des organisations comme ATTAC. Donc ATTAC est impliqué là-dedans. On est beaucoup intervenu aussi. On s'est dit, nous, à Attaque, on a dit à cette coalition, puisque c'est une coalition qui est là pour préserver les services publics, mais pour nous, il y a un accord qui est en train de se négocier entre le Canada et l'Union européenne, et qui est une menace directe pour les services publics. Donc, nous, on a demandé à l'intérieur de la coalition que les différentes organisations se prononcent sur cet accord. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est à venir. Mais on est à peu près assuré que les gens vont quand même réagir d'une manière assez, disons, assez rapide, puisque c'est vraiment une menace directe, là. Oui, tout à fait. Mais justement, pour rester dans le thème de l'accord avec l'Union européenne, on a ici en deuxième partie d'émission, on va avoir un intervenant de développement épais qui sont très préoccupés par la question de l'eau, hein, donc il va venir nous parler de la quinzaine de l'eau qui va débuter ici à Québec à partir du 9 mars. Et dans le cadre de cette quinzaine, tu vas donner une conférence ici à Québec en collaboration justement avec l'organisme de développement épais sur la question des accords de commerce justement et de cet accord avec l'Union européenne. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous dire un petit peu quel est l'enjeu au niveau de l'eau de l'accord qui va être signé? C'est un enjeu qui est énorme, hein, parce que on sait que deux grandes multinationales de l'eau française, Veolia et Suez, cherchent depuis vraiment des années à pénétrer le marché québécois et canadien. Cet accord-là va être une bonne occasion parce que, en fait, c'est par les marchés publics. Hein. Les marchés publics, c'est les appels d'offres. Donc, on sait que les municipalités doivent, comment je pourrais dire, ils ont d'énormes travaux à faire pour améliorer justement les aqueducs. Mmh. Alors, comme les municipalités ont pas beaucoup d'argent pour le faire, ce qui va être proposé, c'est de faire affaire au privé. Et d'ailleurs, il y a un programme de subvention fédérale pour ça, justement, qui exige que ces travaux-là se fassent en partenariat public-privé. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des appels d'offres et qui va être le mieux placé pour répondre à ces appels d'offres? C'est pas les compagnies canadiennes, parce que comme on a un système public, on a personne qui a l'expertise pour faire ça dans le privé. Mmh. Alors, c'est clair que ça va être la voie royale pour ces grandes entreprises européennes de prendre peu à peu ce marché de l'eau et d'avancer le plus possible vers un système qui est de plus en plus privatisé. Évidemment, tous les risques que ça implique, on commence à les connaître malheureusement à l'heure actuelle. Donc cette conférence-là, la date est encore à confirmer. Je pense pas qu'il y ait déjà une date de fixée. Non. Non, d'accord. Donc on confirmera la date et on en reparlera ici à l'émission. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Je sais même qu'on parle beaucoup de la question du chapitre 11. On fait beaucoup référence au chapitre 11 de l'ALENA. On sait que c'est une disposition de l'ALENA qui est très dommageable, évidemment, pour les pays, pour la souveraineté des États. On envisage d'inclure le même genre de disposition dans l'accord avec l'Union européenne? Oui, tout à fait. C'est ce genre de chapitre sur l'investissement qui permet aux investisseurs, c'est-à-dire aux grandes entreprises, de poursuivre les gouvernements si ceux-ci, par des lois, forment des obstacles au commerce. Alors, des lois sociales, les lois du travail, les lois environnementales, ça peut être vu comme des obstacles au commerce. Alors, c'est extrêmement inquiétant parce que c'est une atteinte profonde à la démocratie, au pouvoir des États de légiférer. Ça place vraiment les entreprises au-dessus des États, puisque les États, eux, dans ce genre d'accord-là, n'ont pas de possibilité de poursuivre les entreprises. C'est ça. Donc, et c'est très clair que aussi bien les Européens que les Canadiens veulent introduire ce genre de chapitre dans l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Et là, je pense que pour nous, les citoyens, c'est très important d'être vigilants, de voir à ce que il n'y a pas ce genre de chapitre parce que les conséquences peuvent être énormes. Mm-hmm. Comme cet accord entre le Canada et l'Europe va couvrir beaucoup plus de secteurs que l'ALENA, l'accord en Amérique du Nord, eh bien, c'est sûr que ce chapitre-là va avoir beaucoup plus de portée que celui qui est équivalent dans l'ALENA, le fameux chapitre 11, là. D'accord. Parce qu'on a souvent l'impression, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que l'Europe, finalement, c'est pas les États-Unis, que c'est quand même l'Europe sociale, etc. Donc, on a moins à craindre d'un accord avec l'Europe. C'est pas du tout le cas, en fait. Non, c'est pas du tout le cas, parce que ce que l'Europe a fait, a privatisé ses services publics, là, vraiment à une échelle très, très forte. Mm-hmm. Par exemple, la poste, les transports, l'eau depuis longtemps et l'énergie, l'électricité, et ça provoquait des hausses de tarifs quand même considérables et très très souvent une baisse de la qualité du service. Mm-hmm. Alors je pense que c'est vraiment pas un modèle à suivre maintenant, et ces compagnies qui sont maintenant devenues des compagnies privées doivent travailler pour les bénéfices des investisseurs et non pas pour la population. Mmh, et ces gens-là sont en quête de nouveaux marchés. C'est intéressant pour eux que le Canada devienne justement un nouveau marché. Bon, eh bien, on va rester attentif là-dessus. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler ici à l'émission et puis de rester attentif aussi à ton intervention dans le cadre de la semaine de l'eau sur la question plus spécifique de l'eau et des enjeux liés aux accords avec l'Europe. Ben Claude, merci beaucoup. On va malheureusement devoir en rester là pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui te remercie. Et à une prochaine, alors. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Quant à nous, eh bien, on se retrouve tout de suite après une petite page de pub pour parler de la quinzaine de l'eau avec notre invité de développement épais, Monsieur Bergeron. Alors, à tout de suite. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue, 418-529-3829. CKRL passe en mode financement. Investis ton studio. Vous voulez devenir partenaire majeur de votre radio préférée de manière originale? Investis ton studio est la façon artistique de soutenir CKRL pour $891. Cela vous donne droit à une œuvre originale et artistique qui sera exposée en permanence dans notre studio principal dans le but de créer une murale mixant des paysages urbains de Limoilou et de Québec. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. CKRL 89.1. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30... Dimanche, 22h. Laissez-vous entraîner dans l'univers burlesque et absurde de Dr. Franco, un vaccin contre la morosité. CKRL 89. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e avenue, 418-529-3829. Le Bal du Lézard. peu trop fier pour vivre au présent. Tu te demandes à quoi ça sert, passer tout ce temps. Cet arpège est un piège, on en sort comment? On réfléchit, on assiège, et plus seul qu'avant, et plus seul qu'avant. Tu ratures, tu désespères, cris chuchotement. Tu tournes en rond, tu t'enterres, tu bois énormément. C'est mauvais, y'a rien à faire, cette nuit est un enfer. On en sort comment? Bien plus seul qu'avant, bien plus seul qu'avant. Cette chanson de pervers, de bons sentiments, ne veut pas se laisser faire, pour qui tu te prends? Autour de toi y'a la guerre, y'a la faim et la misère. Tu te ramollis, grand frère, tu t'en sors comment? Bien plus seul qu'avant. Secret pesant, tout ce que l'homme peut faire, tout l'acharnement pour éliminer ses frères, radical et sanguinaire, il a besoin de tout son talent, et plus seul qu'avant. Cette image à la frontière d'une femme en blanc, allongée dans la poussière. Depuis un moment, y'a le décalage horaire. J'aurais mieux fait de me taire. C'était pas le moment. J'suis plus seul qu'avant. J'suis plus seul qu'avant. On vient d'entendre Solitaire de Bernard Lavillier. Merci Fabien. Alors, mais vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1. C'est toujours Cédric Le Terme qui vous accompagne pour la deuxième demi-heure. Valérie Blouin, notre animatrice habituelle, nous rejoindra la semaine prochaine. Alors, on est rejoint maintenant par Monsieur Charles-Eugène Bergeron. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On est rejoint par lui dans le cadre de notre chronique mensuelle qui nous est présentée par l'organisme Développement Épais. Donc, Monsieur Bergeron fait partie de Développement Épais. Il vient nous parler de la quinzaine de l'eau. Alors, la quinzaine de l'eau, ça va se tenir à Québec à partir du 9 au 23 mars, c'est ça? Alors, ça débute le 9 mars et ça se termine le 23 mars. Et c'est ponctué par deux événements importants qui sont le 10 mars, c'est la deuxième journée canadienne sans eau embouteillée. OK. Et le 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau, la 19e édition organisée par l'ONU. OK, donc une grosse date. Oui. Alors, la thématique de la Journée mondiale de l'eau cette année, c'est « L'eau pour les villes, relever le défi urbain ». D'accord. Alors, on a pensé avec un ensemble d'organismes éco-sociaux à Québec, justement, de proposer de relever le défi urbain de l'eau. Bon. Et puis d'interpeller nos élus sur cette question-là. OK. Donc, toi, tu fais partie du collectif Concerto. Oui. Alors, on a formé un collectif informel qu'on a appelé Concerto. On trouvait ça beau. Alors, ça réunit plusieurs organismes, dont la Corporation d'action et de gestion environnementale de Québec. Okay. Ça, c'est un organisme parapublic qui est comme un incubateur de projets de gestion environnementale. Il y a Oxfam Québec aussi qui est avec nous. L'Association québécoise pour un contrôle mondial de l'eau. Les Amis de la Terre de Québec. Attaque Québec s'est rallié à nous de par la présence, on en a parlé tantôt, de Claude Vaillancourt, le Plan Nagua, et aussi la coalition Au Secours, qui est une coalition nationale, qui a été créée pour promouvoir la gestion responsable de l'eau. Okay. Dans un sens large. Coalition très large. Hein. C'est ça. Et pourquoi est-ce que ces organismes-là ont jugé bon de se rassembler autour d'une table de concertation? Bien, c'est que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est important. L'eau, c'est un service essentiel. Mm-hmm. Et puis, c'est important de garder l'eau sous gestion publique, participative, démocratique. Il y a des pays où l'eau a été privatisée. Les services d'eau ont été privatisés. Claude Vaillancourt en a parlé tantôt. Ça amène des enjeux d'accessibilité, des enjeux aussi de prix, de tarifs d'eau qui se mettent à monter quand il faut intégrer les profits dans la prestation des services. Mm-hmm. Alors, on sait aussi que les infrastructures, les équipements liés à l'eau et à l'assainissement sont sous-capitalisés. C'est qu'il y a un arrérage au Canada d'investissement dans les services, les infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Mm-hmm. Il y en a pour 31 milliards de dollars au plan canadien, d'après les chiffres de la Fédération canadienne des municipalités. Alors, le maire Gérald Tremblay a un sommet sur les infrastructures en janvier dernier, a déclaré que juste pour la ville de Montréal, il y en avait pour 1 milliard de dollars par année pour les 20 prochaines années à trouver pour remettre à niveau les infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement. Mmh. Alors, on ignore le montant exact à Québec, mais il doit certainement y avoir un arrérage aussi à faire. D'accord. Et puis, on est vigilant parce que des services et infrastructures liées à l'eau qui sont en bonne santé financière, si les gens payent réellement pour le prix que ça vaut, l'eau potable et l'assainissement, bien c'est moins vulnérable à des offres de privatisation ou de partenariats privés-publics. Mm-hmm. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Et il y a plusieurs organismes qui sont sensibilisés puis qui essaient aussi d'informer, sensibiliser et mobiliser la population, les Québécois, les Québécoises, sur ces enjeux-là. D'accord, parce que la question de l'eau, c'est vraiment un enjeu qui préoccupe particulièrement le développement et paix. C'est un enjeu local, mais c'est un enjeu aussi mondial. Voilà. Parce qu'il y a 884 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Okay. Alors, nous, on est dans la solidarité internationale, mais on se rend compte, nos partenaires au sud nous disent, c'est les mêmes compagnies qui vous vendent de l'eau embouteillée, qui vendent de l'eau chez nous, de l'eau, mais seulement à des gens qui peuvent se permettre de la payer. Mm-hmm. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de s'acheter de l'eau. Alors, les gens se tournent vers des sources d'eau non potables. Alors, ça les rend malades, ils peuvent pas aller à l'école, ils peuvent pas travailler, et puis ça transforme leur pauvreté en misère. Alors, c'est nos partenaires au Sud qui nous ont dit, travailler sur l'enjeu de l'eau au Canada, sensibiliser les gens. Alors, nous, on fait campagne en 2010-2011 sur créer des zones libres d'eau embouteillée. Voilà. Alors, on interpelle des écoles, on interpelle des conseils municipaux, on peut interpeller des familles, dire, ben nous, on s'abstient de boire de l'eau embouteillée. Pourquoi boire de l'eau embouteillée? Il y a un Canadien sur cinq qui ne boit que de l'eau embouteillée. D'accord. C'est ahurissant parce que on a de la très bonne eau dans nos municipalités. Alors pourquoi acheter de l'eau? C'est la culture de l'eau marchandise est inculquée par les compagnies, par de la publicité. Il y a beaucoup d'investissements dans la publicité, dans la promotion, dans le prix d'une bouteille d'eau. Alors il y a aussi les impacts environnementaux. Bien sûr. De la bouteille elle-même, ça prend un tiers du contenu en pétrole pour faire une seule bouteille. Ça prend trois bouteilles d'eau pour faire une bouteille à usage unique. Mm-hmm. Alors, la disposition de ces déchets-là aussi, on sait fort bien qu'ils sont pas tous mis au recyclage. Puis même s'ils sont mis au recyclage, si le marché pour le plastique utilisé est bas, ben ça s'en va pour la valorisation qu'on appelle thermique en Asie. Alors, c'est brûlé. Et les dioxines, les furanes qui sont dégagées en Asie ou dans ces pays-là, à partir de nos propres bouteilles, ben on est redevable de ces pollutions-là qui sont faites dans d'autres pays parce qu'on exporte nos déchets de bouteilles. Alors, ça, c'est quand les bouteilles sont pas déversées tout simplement dans le fleuve, puis qu'ils se ramassent dans la mer, puis que ça peut venir à tuer, remplir l'estomac des mammifères marins. Puis on connaît les impacts de la bouteille comme telle. Mais le fait de considérer l'eau comme une marchandise, c'est ça qui, nous, au plan éthique, nous... Qui est hurtant. C'est ça. Alors, on rappelle que l'eau, c'est un bien commun de responsabilité collective. Tout à fait. On ne peut pas consommer l'eau parce que l'eau passe au travers de nous et on la restitue. au travers de nos corps, au travers de nos usages. Alors, on utilise l'eau, on ne la consomme pas. Alors, l'eau, c'est un bien commun. C'est un droit aussi, ça a été reconnu comme un droit. C'est un droit universel qui a été reconnu le 28 juillet, suite à une initiative du gouvernement de la Bolivie. Okay. Et on a des partenaires en Bolivie qui ont travaillé très fort pour amener le gouvernement Morales à proposer ces choses-là. Mm-hmm. Alors, c'est un enjeu autant international que local. Voilà. Mais nos partenaires au Sud nous disent travaillez là-dessus localement, ça va nous aider chez nous. Bon, ben alors on va passer dans le concret. Quelles sont les démarches qui sont menées alors par Concerto dans le cadre de cette quinzaine? Alors, Concerto a été mis sur pied en juin 2010. Il y avait auparavant un comité eau qui réunissait deux ou trois organismes, mais là, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et puis, on a décidé, le 25 janvier, ça fait pas très longtemps, on va tenir une quinzaine de l'eau pour informer, sensibiliser la population sur les enjeux de l'eau. Mm-hmm. L'eau embouteillée, la gestion de l'eau, la conservation de la ressource, tout ça. Alors, on a fait appel à différents organismes qui nous fournissent spontanément des personnes ressources de grande valeur, qui vont venir donner des conférences, il va y avoir des projections de films. On connaît les impacts sur l'eau du développement du gaz de schiste. Alors, il va y avoir une projection d'un film qui s'appelle Gasland, entre autres. Il va y avoir une conférence de Claude Vaillancourt sur l'impact de l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Mm-hmm. Le film Hold Up de l'eau va être présenté par Oxfam. Il y a différentes choses qui vont être faites qui vont aider la population à prendre conscience de l'importance de s'en occuper de l'eau, de pas laisser ça à des lobbyistes et à des entrepreneurs de tout acabit. Tout à fait. Où est-ce que les gens qui seraient intéressés à voir, je vois que tu as le programme là devant toi, est-ce qu'il y a un endroit, ils peuvent se le procurer? Oui. La programmation officielle n'est pas encore établie. Okay, on est encore au préliminaire, mais vous pouvez communiquer par téléphone au 418-683-9901. Okay. Ça, c'est le bureau de développement et paix. Mm-hmm. Mais il y a aussi la CAGEC, qui est la Corporation d'action et de gestion environnementale de Québec, qui agit comme secrétariat pour la quinzaine de l'eau. Okay, parfait. Nous allons faire un lancement web 2.0 le 9 mars. Alors, la programmation officielle, l'affiche, ça va circuler par les moyens électroniques. Mais entre-temps, il va y avoir des communiqués de presse et puis on va diffuser ça notamment par le réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. Oui, tout à fait. Alors, ça va être accessible, la programmation via ces médias. Parfait. Puis on essaiera aussi de relayer ici à l'émission. Et à CKRL, évidemment, on relayera les activités qui sont tenues dans le cadre de la quinzaine. Alors, mais écoutez, Monsieur Mergeron, merci beaucoup. On va juste s'arrêter le temps d'une dernière pause musicale. Restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après pour terminer la mission, toujours en votre compagnie. Alors, à tout de suite. Joyeusement désespéré, désespérément joyeux, tirez les joyaux de la joie comme les marrons du feu. Oui, ça brûle un peu les doigts, dramatisons pas. Je méprise pas le charbon, c'est bon pour l'estomac. L'amertume enrhume et le dégoût tanné. La vie nous déplume, la mort nous pomponne. Allez! Joyeusement désespéré et désespérément. Avoir accroché devant tous les fâcheux et pas perdre son sang-froid quand on est la proie d'un regard à se reprocher, d'un faux pli, d'un faux pas. Il y en a qui m'énervent tant ils sont poignés, mais qu'on me le sème celui qui est toujours gay. Allez! Joyeusement désespéré. Si les gens sont lourds, c'est pas du côté du cœur. Après coup, ils courent, sont-ils en temps de la bonne heure? Vamonos, vamonos, vamonos, vamonos. A alegria, y encerramos a todos. La lamparilla. Vamonos, vamonos, vamonos, vamonos. A alegria. machin et polluons plus. Cela va de soi et détruisant la nature à grand renfort d'hydrocarbures. Non mais ils nous y feraient croire à toute leur marée noire, à leur coupe à blanc. C'était Joyeusement Désespéré de Tchango Family. Merci Fabien. Alors vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable pour la dernière partie d'émission, hein, jusqu'à 18h30, suivi ensuite de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi. On est toujours en compagnie de Monsieur Bergeron de Développement Épais, avec qui on discutait de la question de l'eau, notamment en prévision de la quinzaine de l'eau qui va se tenir du 9 au 23 mars. Alors, tu me parlais pendant la pause d'actions qu'avait mené Développement Épais par rapport à la municipalité de Québec et au niveau de l'eau, justement. Oui. En 2006-2007, Développement Épais faisait campagne pour que l'eau soit reconnue comme un bien commun de responsabilité collective. C'était notre thématique. Et puis, dans le cadre de cette campagne-là, on était allé au Conseil de ville de Québec et puis on avait obtenu qu'il y ait un accord de principe que le Conseil d'agglomération se déclare en faveur de faire primer l'eau comme un bien commun avant toute valeur commerciale. Bon, on est très, très contents. Oui. C'était un beau vœu pieux, on peut dire. Il est venu le dossier à un moment donné du 400e. Alors, pour organiser le 400e, la ville a créé la société du 400e, puis à un moment donné, la société du 400e, on a appris qu'il y avait un partenariat avec un embouteilleur d'eau pour financer les festivités du 400e en vendant de l'eau embouteillée. Alors, on a dit, ben là, c'est pas très, très cohérent, cette affaire-là. On est remonté au conseil de ville avec les gens de l'ACME, l'Association pour un contrôle mondial de l'eau, puis on leur a dit, ben écoutez, c'est pas très, très cohérent. Est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus? Puis c'était très difficile pour la ville parce que ils avaient remis la gouvernance du 400e à une société. Bon. Alors, c'est juste un petit exemple, une anecdote de qu'est-ce qui peut se passer quand les citoyens sont pas vigilants. C'est ça. Et puis, en octobre 2010, Ricardo Petrella est venu nous donner une conférence sur le bien commun. Et puis, il disait, la seule sauvegarde du bien commun, c'est des citoyens qui se prennent en main et puis qui font leur travail de citoyens. Alors, ça a été un des gros moteurs de la décision qui a été prise d'organiser la quinzaine de l'eau. Okay. Mais plutôt que d'aller en mode revendication, on a dit, on va aller en mode collaboration. On va aller au conseil de ville, puis on va leur offrir une collaboration. Alors, la collaboration, ben, c'est de créer un plateau de sensibilisation, d'information, de mobilisation, puis d'offrir à la ville de faire ses annonces, de dire en quoi la ville va être une ville et à quoi responsable, parce que ils se payent des publicités, la ville de Québec, en se disant nous sommes une ville à quoi responsable. Alors on est très content de leur offrir un plateau de communication pour dire ben en quoi ils s'engagent pour faire de Québec une ville à quoi responsable. Et puis on a posé deux questions le 7 février à la séance régulière du conseil à ce sujet-là. Geneviève Marié était là pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le plan triennal d'immobilier sur la promotion et l'accessibilité à l'eau potable publique via des fontaines, un réseau de fontaines publiques à Québec. Puis moi, j'ai posé une deuxième question sur ce qu'on disait tantôt, là, la stabilité financière des infrastructures, sur la garantie que l'eau allait demeurer sous gestion publique. Alors, on a eu des réponses très positives, très constructives. Okay. Et puis, on est heureux d'accueillir les conseillers qui se sont dit volontaire pour aller dire qu'est-ce que la ville entend faire pour que l'eau soit véritablement un bien commun de responsabilité collective. Alors, on a joué la carte collaboration et puis on va poursuivre avec la carte collaboration parce qu'on se rend compte qu'on a une meilleure écoute des élus quand on travaille comme ça plutôt que de travailler les poings en l'air. On tend la main. Alors, par la quinzaine de l'eau, c'est une initiative citoyenne, mais on est très heureux d'accueillir les élus et puis l'administration municipale, et qui va nous dire en quoi ils vont mettre en pratique les bottines avec les babines. Ouais. Oui, c'est merveilleusement dit. Alors, justement, pour revenir à la quinzaine de l'eau, quelle suite est-ce que vous pensez donner après à votre démarche engagée pendant cette quinzaine, une fois qu'elle sera terminée? Ben, je vous avoue qu'on a des petites idées. C'est peut-être un peu tôt pour aller dire quelle sera la deuxième étape du plan de match. C'est sûr qu'on va voir les résultats de la quinzaine. Et puis, dans certaines municipalités au Canada, il existe des comités qui surveille la bonne gouvernance de l'eau. Ça existe, ça. Est-ce que les organismes vont juger bon de créer un nouvel organisme ou un nouveau comité? On se rend compte qu'il y a énormément de comités et d'organismes, et puis à un moment donné, ça peut devenir trop lourd. Alors, est-ce que ça va rester dans l'informel? Est-ce qu'on va formaliser quelque chose? Chose certaine, c'est que, quant à nous, Développement IPET, on va être dans une autre thématique de campagne l'année prochaine. Mais on souhaiterait que le travail de concertation et de collaboration parmi les organismes se poursuive d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain. Monsieur. Et puis, c'est sûr que les enjeux de l'eau, c'est pas des enjeux à court terme seulement. C'est des enjeux à court, moyen et long terme. Parce que les investissements dans les services d'eau, dans la gouvernance, dans la gestion par bassin versant, c'est vraiment du travail de longue haleine. Hein, on a la politique, la loi 92 qui est venue un peu préciser des choses, la politique nationale de l'eau en 2009. Et puis, il y a des redevances qui vont se payer pour financer cette gestion par bassin versant-là, la gestion intégrée. Mais on constate que les budgets que cela permet d'octroyer aux organismes de bassin versant, par exemple, c'est pas suffisant pour faire vraiment de l'action sur le terrain. Alors, c'est à suivre. OK. Ouais. Bon, mais on va le suivre alors. Donc c'est vrai que ça rejoint finalement beaucoup d'enjeux et de thématiques qui sont intéressantes, mais assez complexes aussi souvent. Mais merci beaucoup monsieur Bergeron d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne quinzaine de l'eau en tout cas, puis on aura l'occasion d'en reparler et de réannoncer le programme et les activités quand on en saura plus et quand ça s'approchera plus. Ça peut faire grand plaisir. Mais à tout grand merci à nous aussi en tout cas. Alors je vous invite chers auditeurs à être attentifs à la quinzaine de l'eau. Donc je rappelle les dates, ce sera du 9 au 23 mars prochain. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, on remercie Jeanne Gutiérrez et Fabien Dubuis qui est à la mise en onde. On s'excuse encore pour le petit problème technique, mais c'est les joies du direct. Alors, on remercie Claude Vaillancourt, évidemment, coprésident d'Attaque Québec, qui a été avec nous pour discuter du nouveau numéro de la revue À bas bord, qui est paru, que je vous conseille de vous procurer, qui traite de la question des utopies, mais aussi de beaucoup d'autres choses. On vous rappelle aussi que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL, ckrl.qc.ca. Vous pouvez également vous les procurer via celui d'Attaque Québec, québec.attaque.org. Sur ce site, en plus de toutes les informations sur l'organisme Attaque Québec, vous trouverez aussi la façon d'y devenir membre, éventuellement de suivre les actions en cours, notamment les grosses campagnes à l'heure actuelle, c'est la question des paradis fiscaux et de l'accord avec l'Union européenne. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'émission legrainde-sable@commercial.com si vous avez des questions, des doutes, des suggestions de dossiers, etc. Ben, n'hésitez pas, on va se faire un plaisir de vous répondre. Un petit rappel aussi pour CKRL, CKRL qui est en mode financement pour l'instant, donc je vous invite, ceux qui ont envie de soutenir cette magnifique voix indépendante à Québec, de vous rendre sur le site, vous pourrez voir les différentes façons de pouvoir la soutenir financièrement et de lui permettre de continuer d'émettre et de cultiver vos goûts. Alors, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Valérie Blouin sera de retour pour le plaisir de vos oreilles. D'ici là, mais restez bien branchés sur ce qui se vit ici et à travers le monde. Surtout, restez solidaires. C'était Cédric Le Terme au micro. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi avec 100% Dynamite tout de suite après cette chanson et ces quelques pages de publicité. Toujours sur les ondes de CKRL, cette radio qui cultive tes goûts.